Mes amis, la société, poche pipe. Mouen gon parol, ma vie balé. Si yon dossier fragile, binouane blanc vie testé. Même l'elle pas dévoilé. Oh, mouen pral di nou ki salie. Cherche l'amour, dans plusieurs formes, plusieurs sens. Et ça qui connaît solitude. Ménage mais avec un tapé faut parler. La team j'en l'y intéressé. Je dois s'y faire pas inventer. Soit disant c'est bon pour la santé. Oh, team chérie, qu'on jouait manqué. Et bien chérie, c'est bête d'en jouer. Bon, on aime son bon jouet. Etchemaï, sans allumette, sans gasoline. Sexy, faites la toujours cabelle. Midi, minuit, y'a pas cabelle. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, l'ami, comme c'est la hello. Donne pour l'oyo sous dos. Essayez, et wawa hello. Maïe la wo en bas. Aïe, l'ami, comme c'est la hello. Mais si nous ça coupe. Essayez, et wawa hello. T'as rien, mais qu'on aime. Antonio Baba, je te la chavire. Son question de ménage, ménage moi. Ma conde Mike, yo barré, on a joué à tout. Soyez chez Nafel.